les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingret qui vous livrait des bons plans et les coups de cœur vosgiens. Ça vous le dira aussi, auditeur de Radio Caraïbes Nancy sur les 90.7 à Nancy, les samedis à 7h et le dimanche à 6h. Et à vous aussi, auditeur de Radio Gemozo sur les 107 FM à Remiremont les samedis à 8h30. Et pour vous, qui êtes de bonne humeur mais pas de bonheur, retrouvez les Vosges samedi sur les www.rcn-radio.org et sur www.radiogemozo.eu. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Vous êtes dans l'émission des Vosges samedi du dernier week-end d'avril. Et oui, le samedi 28 avril. Et oui, parce que cette émission, ça fleure bon le mois de mai. Nous sommes en 2018, le mois de mai avec le 1er mai, bien entendu, la fête du travail. Mais cette émission... où vous allez entendre pas uniquement des artistes de vosgiens, mais également du Grand Est, parce qu'il se passe, il était une fois dans l'Est, 4e édition, le 4 et le 5 mai 2018 à plein fin, deux journées de concerts avec beaucoup d'artistes, dont quelques-uns vont vous être présentés dans le cadre de cette émission des Vosges samedi. Et puis, comme ce sont des belles pépites, eh bien, éventuellement, cette émission du 28 avril 2018, que vous pouvez toujours retrouver à la date de la première diffusion en podcast sur nos radios associatives, eh bien, éventuellement, nous vous la repasserons dans la période, dans les mois, les années à venir, puisque ce sont des morceaux indémodables et puis une petite sélection particulièrement agréable que nous avons concoctée pour vous, auditeurs des Vosges samedi. Allez, le 1er mai, la fête du travail, à sa façon, les Quatribottes nous l'interprètent. Travailler, c'est trop dur. Trop dur et voler. joyeux 1er mai, joyeux 1er mai, voilà, donc, et oui, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil, voilà, c'était 8 x 3, 24. Et 1er mai, ce n'est pas que de la fête de Muguet, surtout dans cette période actuelle. Alors justement, à plein fin, donc le vendredi 4 mai, vous pourrez entendre Paulo et Pauline, c'est de la chanson engagée au fil d'ailleurs, vous l'entendrez au fil de la soirée puisque ce sont pour les changements de plateau, très sympathique Paulo et Pauline. Ensuite, à 20h, Carmen Coller, Electropunk. Ensuite, en fin de soirée, à 23h, sur le vif, c'est Ska Punk. Et à minuit et demi, Maum Dub, Electro Dub. D'ailleurs, vous pouvez dormir sur place puisqu'il y a un camping gratuit, en plus de la restauration. Prix libre, ainsi que la buvette. La buvette, je pense que les prix sont moyennement libres, mais enfin, sont tout à fait accessibles. Allez, mais à 20h30, le 4 mai, eh bien, David Vincent, nous, on aime, et puis on l'aime davantage encore dans ce morceau, mai 6-8. Eh ouais, c'était il y a 50 ans, mai 68. Et c'est reparti pour un tour! Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Au moment où je vous chante cette chanson, le constat est plutôt joyeux. Tout dépend d'où t'as planqué ton pognon. Ils voudraient nous faire gober tous ces banquiers et rentiers milliardaires. Le capital, c'est la santé, et que ça désespère des momos gravataires, et que ça s'accélère le grand bond vers l'arrière. Et pourtant, lâchant lit, c'est comme le chien-dent, ça repousse forcément un moment. Y'a beau couper, c'est provisoire, quand il y a du noir, y'a de l'espoir. Les vieux principes du 16e siècle et toutes leurs vieilles traditions débiles, la cinglerie concurrentielle, ça fait baver ceux qui ne pensent que mercantile. Nous, ça nous bouffe la cervelle avec des crédits sur le dos. La pub nous sourit, la vie est belle. Faut juste bosser plus pour crever au boulot et consommer plus et pivoter Sarko. Et pourtant, la chienlit, c'est comme le chien-dent, ça repousse forcément un moment. Y'a beau couper, c'est provisoire, quand il y a du noir, y'a de l'espoir. Je vais pas faire un inventaire de toutes les saloperies qui se passent aujourd'hui. Le retour des réactionnaires, c'est l'ancien régime coupé à l'eau de Vichy. Toutes les frasques présidentielles, de campagne, de meeting en gala, suffiraient d'une étincelle pour que ça pète un bon coup. Mais pourquoi ne ça pète pas les lunettes à carlac cachent le pouvoir d'achat, c'est le consent. Et pourtant, la chienlit, c'est comme le chien-dent, ça repousse forcément un moment. Y'a beau couper, c'est provisoire, tant qu'il y a du noir, y'a de l'espoir. À l'heure qu'il est, 40 piges après, c'est vrai que ça paraît bien loin, 68. Le temps qui passe, faut grossifier. Il se pourrait qu'un jour à nouveau y ait des fuites et qu'on érige des barricades qu'une fois. soit pour tout ton feu, tout ça en l'air. Ça sera l'ultime estocade. Taffer dans la gueule des bourgeois actionnaires. C'est le clic de brigand, joyeux anniversaire. L'air frais du vent de mai souffle toujours et encore. Ploum, ploum, tra-la-la. Sarkozy tête au mort. Eh ouais, mois de mai 68, mois de mai 2008, le 15 mai 2008 d'ailleurs, on saura à quelle sauce sera mangé ou ne sera pas mangé Antoine Deltour, le lanceur d'alerte qui a révélé justement les montages financiers orchestrés par les groupes, les pays européens, les gouvernements européens pour organiser cette fraude fiscale gigantesque, 1000 milliards d'euros au niveau européen. Au niveau national, eh bien, c'est de l'ordre de 60 à 80 milliards par an. Et puis, bien entendu, en 2019 se profilent les élections européennes et il y a des grandes consultations citoyennes pour avoir votre avis, notre avis, histoire un peu d'ajuster les petits programmes. Mais en fait, j'ai coutume de dire que l'Europe, si on faisait la coupe de foot sur le mode européen ou sur le mode économique européen, ça veut dire que des équipes n'auraient le droit de jouer qu'avec les pieds, d'autres seraient autorisés de jouer avec les mains et d'autres pourraient même filer des coups de boule. Voilà. Alors, la consultation citoyenne au niveau européen, eh bien, on vous propose certains thèmes. Alors, bizarrement, le nerf de la guerre, à savoir l'argent, la fiscalité, est complètement mise de côté. Donc, les paradis fiscaux organisés par les dispositions européennes, à savoir paradis fiscaux, la Hollande, le Luxembourg, l'Irlande, eh bien, Malte, entre autres, eh bien, ça, on ne vous demande pas votre avis. C'est-à-dire que, si je reprends ma métaphore des équipes de foot, vous avez d'un côté une équipe qui a des buts très étroits, hein, donc très compliqué de mettre un ballon à l'intérieur, et puis d'autres buts avec très très larges, et on vous demande la couleur des poteaux. Allez, on continue dans cette programmation de musique en prévision justement de ce concert du 4 et 5 mai à plein fin. Allez, on continue. La petite sœur, que ceci ne nous empêche pas de sourire. Allez patron, mets-nous la même, il faut qu'on retourne tanguer ce soir. Cette nuit on veut claquer sur scène, Morpilo est complètement noir. La piquette c'est pas du Pétrus, mais elle est bien plus généreuse. Elle nous fait rencontrer Vénus. Chaque fois qu'on voit le cul de la serveuse, à force on a les lèvres toutes frimées, comme les doigts après un bon bain. Et quand il s'agit d'aller jouer, on a les dents comme un clavecin. Quand on a le palais rempli de poussière, suffit de commander une mousseuse. Et te voici dans un éclair bloc accroché à la tireuse, la petite sœur. Ça sonne comme un clairon quand on gueule aux oreilles du patron. La petite sœur, je crois bien qu'on savait le dire bien avant qu'on nous apprenne à lire. Aïe patron, mets-nous la même. Ce soir on t'emmène en voyage. Tu peux jeter les clés de ta BM. On va te faire voir du paysage. Un, deux, trois ou peut-être quatre accords. Un peu bancal vu notre état, mais au moins ce sera plus raccord avec les paroles qu'on chantera. Et si on a des doutes, c'est pas grave. On sait bien que tu les combleras avec un bon petit côte de grave ou bien alors une petite vodka. Et si jamais on périclite, t'inquiète, on continue à jouer. Car c'est pas la mort ni la cuite qui nous empêcheront d'avancer. La petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, ben on va t'en reprendre une. C'est

On a bien sûr profité du moment pour appliquer les bons conseils du sergent qui nous disait vérifiez vos affaires. C'est ce qu'on a fait, les alcotests étaient ouverts. Mais nous aussi, on était un peu pâles. Il nous fallait mande de cheval pour dégueuler. Le coca c'est parfait, mais pour le coup de fouet, faut un bon pastaga bien frais. Que vous pourrez écouter le 5 mai 2018, mais ça c'est au cas où vous écoutez l'émission lors de la première diffusion le 28 avril 2018. Dans le cas d'une rediffusion, eh bien vous avez juste le plaisir d'écouter un des rares morceaux où il n'y a pas des couilles et des bites chez Raymond Courtoujours, parce que c'est vraiment paillard, paillard, paillard. Et avant Raymond Courtoujours, eh bien, à 23h15, nous, et auparavant, il y aura donc 21h45, ceux de la Mouf, et c'est de la chanson festive entre Titi de Paris et Rumba de Barcelona. Et à 23h15, Maggie Ball, on aime, c'est de la chanson comique, mais pas que comique, c'est du grand test un peu élargi côté du Haut-Doubs. Allez, Maggie Ball, justement, elle apprécie les jeunes qui font attention s'ils doivent reprendre le volant, entre autres. Maggie Ball, les jeunes. Sont contents les jeunes, entassés dans les bars, ils sont cool les jeunes. Accoudés au comptoir, ils s'en foutent les jeunes de porter un costard. S'éclatent les jeunes jusqu'au dernier dollar. Ils ont pas de boulot, ils ont pas de poignons. Ils perdent au loto, ils perdent au morpion. Mais ils s'en foutent les jeunes, parce que ce qu'ils veulent les jeunes, c'est d'être heureux et amoureux. Une belle pour remuer des cervelles, à coups de caresse, à coups de tendresse. Et puis qui se fait la belle, mais c'est que cette hirondelle, elle caresse sa jeunesse. Sont contents les jeunes,